verre d'hiver ou quoi? Yo quoi? Tranquille, t'inquiète. Ça va alors? Posé, posé, toi? Ouais. Ton maxi, ça avance ou quoi? Ouais, ça taffe, t'as vu, on fait comme on peut. Eh, hey, tu sais ce que je kiffe, je voulais te voir d'ailleurs. C'est ce que je kiffe chez toi, Diva. Tu sais que t'as un putain d'esprit embêtant. Ah, merci, mais tu sais, c'est pas ce que dis, c'est pas ce que tout le monde dit, tu vois. Ah, t'as vu, ça jalouse un peu à droite à gauche. Mec, tu veux parler? Man et mes rimes vont déferler. Dis pas que tu n'as pas peur, je vois la sueur sur ton front perlé. Gare à tes dents et quand je rappe, MC serré. Car quand t'es sur l'astre, je ne distingue pas ta voix déchaînée. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes broutilles. Le jour je taffe, la nuit je fais mes 16 pendant que tu roupilles. Inutile d'essayer de monter les gens contre moi. Les vrais font la différence. Et le rap n'est pas un tournoi. Mais pour moi, tous les faux gars qui m'attendent au tournant feraient mieux d'affûter leur flow au lieu de me tester pourtant. Oui pourtant, bien trop dur pour eux de chauffer la salle. Leur son je le mangerai pas même si je crevais la dalle. Taffe ton rap au lieu de t'aider décale. Quand DJ coupe l'instru, MC tu te décales. Je kiffe savoir qu'il croit qu'il est métal. Viens briser les os, mon c'était dur comme le métal, boy. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Parce que j'ai attendu personne pour tracer ma route. Demain en avance sans jamais faire faux pas. On s'adresse à ces beaux parleurs pour mieux dire les grandes bouches. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Et si tu continues, sache qu'on en a rien à foutre. Demain en avance sans jamais faire faux pas. Quoi que tu dises, on vit comme on veut car la vie est trop courte. Dites-moi que je suis un parasite, une personne pas facile à vivre qui squatte par ici et par là. Et ne jure que par la zik parce que je prends pas racine. On dites-moi que je paragouine dans mes textes, mais si le rap se fume alors ce que j'entends c'est de la paraffine. Je suis pas ravi, ravi, car j'ai mes propres principes et je suis pas le genre de type qui troque son fuite pour des parésies. Ça parle ainsi, car de nos jours les vrais sont rarissimes. Les langues de bois prennent leur place et c'est l'époque des arrivistes. Des sacrifices, j'en ai fait et j'en ferai encore. Parti de rien pour que mon père puisse dire que je suis un sacrifice. Tout ça pour dire que je suis pas prêt de la mettre en sourdine. J'ai fait tout pour sortir de mon quotidien sordide, faisant abstraction du vice, sachant qu'aujourd'hui leur prime sur la valeur humaine. Et malgré ça je garde l'esprit sportif. Tous se disent sportifs, j'écrive leurs textes sur post-it. Et après ils vont dire de moi bien sûr que je suis un pauvre type. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Parce que j'ai attendu personne pour tracer ma route. Demain en avance sans jamais faire faux pas. On s'adresse à ces beaux parleurs pour mieux dire les grandes bouches. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Et si tu continues, sache qu'on en a rien à foutre. Demain en avance sans jamais faire faux pas. Quoi que tu dises, on vit comme on veut car la vie est trop courte. Trop d'MC voudraient me priver. S'ils parlent mal de mon son, c'est qu'il leur fait trop d'effet. J'kiffe tellement le rap que le micro, je veux me le greffer. Je fais trembler tes jambes chaque fois que je pète les phases et relate les faits. Je ne suis pas du genre à fuir les grandes bouches. Sachant que pendant que j'avance, elle s'habitue tout au banc touche. Et si par hasard ta langue fourche, là du laid back, faut que tu kiffes et que ton fougan se touche. Reste sur le pas côté, rafale tes pacotis. Si le rap était en pour, tu ne serais même pas côté. Tout comme Mota, je fais pas du rap pour faire un tas de copies. Je démarque mon style pour ne pas être une pâle copie. Tu parles sur mon dos, mais je laisse faire. Car on ne vit pas dans le même hiver, donc on n'a pas enfilé le même manteau. J'ai surmonté tant d'étapes que je me fous des ragots. J'ai pas de bague au doigt et je rappe pas dans le but de faire le barbeau. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Parce que j'ai attendu personne pour tracer ma route. Demain en avance sans jamais faire faux pas. On s'adresse à ces beaux parleurs pour mieux dire les grandes bouches. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Et si tu continues, sache qu'on en a rien à foutre. Demain en avance sans jamais faire faux pas. Quoi que tu dises, on vit comme on veut car la vie est trop courte.